et je pique une grande colère. Doit y avoir quelque chose dans l'air. Et ça, à quoi ça sert? Quitter la terre.